again and again. Into the trees. Not alone in that forest. Oh, not alone. Got a lot of I love. plage et crustacés. Lama drague le vent sur la plage à bon. On abandonne pillon cuillant les crustacés. Les mollusques, les puces de sable, toutes ces bêtes, comme du bétail. Quelque chose d'insignifiant. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Au contraire, les puces de sable, elles sont hyper importantes dans l'écosystème. Everybody needs somebody to know. Everybody needs somebody to. Love and tradition. Around the world, around the world. Between time and space. With a lot of latency, because latency is not my enemy. Latency is not my enemy, no. Latency. Experiment. On this new jazzy hair, we jump the bar. On this ritournelle, it's such a mess. Sing, dance, touch, touch. À genoux sur le sable. Thank you. Mmh.